pour ça que mes yeux sont si petits. La vérité c'est que je suis resté au lit, mais je suis fatigué, j'ai pleuré toute la nuit. Insomniaque, je me repose jamais. Le jour où je mens, la nuit je crée une armée, capable le matin de vous affronter à base de blagues et de fausses vérités. Mais je vous ai jamais trompé, j'ai des principes, je suis bien éduqué, prête à tout casser pour une belle amitié, trop forte pour les autres, donc jamais polée. Je ne suis pas la fille posée, celle dont tu rêves. Ici, je mens toute l'année, c'est ça où je crève. M'aimer, rasser, m'offrir une trêve. N'oublie pas que je mens toute l'année, c'est ça où je crève. Carrure de rugbyman, je me suis jamais battu, c'est sûr que je gagne. Le seul adversaire à ma taille, c'est mon cerveau quand il déraille. Mais je vous interdis d'en douter, non je suis pas rongé par la débilité. Un jour à moi-même.